Chapitre 2e. Le testament de Charmette Courouvre, rédigé en forme de lettre, débutait ainsi. Juvigny, 12 juillet 1874. Mes chers enfants, encore que j'ai bon pied, bon œil et bon coffre, je n'en compte pas moins tout près de 80 ans. J'arrive à l'âge où chacun des jours qui se lève doit être considéré comme un jour de grâce. J'ai beau avoir l'air solide, je m'aperçois de la décrépitude à 100 menus détails. Je m'essouffle très vite. La lecture dont je raffolais me fatigue. L'ouïe devient dure. L'odorat s'oblitère. Je m'endors après mes repas et ma mémoire se brouille. Bref, je m'en vais par bribes. Il est donc grand temps de songer à faire mon paquet et à mettre en ordre mes affaires. La principale, c'est vous, mes chers petits. Après le culte que j'ai voué à votre aïeul, le conventionnel, la seule occupation qui m'ait redonné le goût de vivre, ça a été de vous élever et de vous rendre digne de lui. Mon seul souci à cette heure, c'est de partir pour l'autre monde avant d'avoir entièrement accompli ma tâche et de vous laisser si jeune, si inexpérimenté et si pauvre sur cette terre où il faut constamment lutter pour se créer une situation honorable. Quoique l'argent soit peu de chose auprès des autres biens que de posséder un honnête homme, c'est pourtant un lest nécessaire, surtout à notre époque, et souvent je me reproche d'avoir dans ma jeunesse trop négligé mes intérêts matériels. Vivant uniquement de mes souvenirs, il me suffisait d'assurer mon pain quotidien. J'avais peu de besoins et les glorioles de ce monde ne me tentaient pas. Lorsque j'eus obtenu, après bien des maux, la levée du séquestre qui pesait sur les immeubles de Chèvrechêne, nos terres depuis longtemps en friche, furent vendues à vil prix. Du montant de la vente, je fis 3 parts. Votre tante Cornélie s'est emparée de la sienne et, sans vergogne, a épousé le fils d'un de ces gens qui ont empoisonné les dernières années de votre grand-père. Votre père Arsène s'est marié à une fille sans fortune et sa succession s'est réduite à peu de choses. C'est alors que je vous ai emmené à Juvigny et qu'ayant charge d'âme, j'ai cherché un moyen d'augmenter nos revenus. Pour y arriver, j'ai aligné mon bien à fonds perdu, moyennant une rente de 3 000 francs. Toutefois, j'ai eu la précaution de stipuler que si je venais à disparaître, cette rente serait servie à ma succession 3 ans encore après mon décès. Vous êtes mes seuls héritiers et si je mourais aujourd'hui, vous seriez à l'abri du besoin pendant 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à la majorité de Clément. Mais ensuite, que se passera-t-il? Si à cette époque, Edme n'a pas trouvé une situation avantageuse, comment résisterez-vous aux tourments et aux suggestions mauvaises de la pauvreté? Cette inquiétude a fréquemment troublé mes nuits, et après mûre réflexion, j'ai résolu de vous révéler un secret que je m'étais d'abord promis de ne confier à personne. Votre vénérable aïeul, avant de prendre le chemin de l'exil, avait pu déposer en lieu sûr une portion de sa fortune mobilière. Il a laissé un trésor caché, dont seul je connais l'existence et qui peut constituer pour vous une ressource appréciable. Je vais vous donner ici des indications précises qui vous permettront, en cas de besoin, de découvrir les valeurs qu'Edme Courouvre avait enfouies dans un coin de son domaine. Sachez donc qu'au village du Chanois, près de Souilly, dans notre ancienne propriété de Chèvrechêne, Edme interrompit brusquement sa lecture. « Va donc !» s'écria Clément avec impatience. « Après ?»« Après ?» repartit flegmatiquement son aîné. « Il n'y a plus rien. » En effet, le surplus de la page restait en blanc. Soit que, comme beaucoup de vieillards, Charmette Courouvre eût retardé de jour en jour l'achèvement de ses dispositions testamentaires, soit qu'une raison mystérieuse l'eût fait hésiter, elle n'avait pas continué sa lettre. « La pauvre tante, » soupira Edme, « s'est arrêtée là. »« Ce n'est pas possible !» protesta Clément, désappointé. « La suite du testament doit exister quelque part, et la preuve, c'est qu'un second dossier que voici porte comme suscription l'or de Chèvrechêne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. » Edme éventra le dossier et le compulsa sommairement. Il se composait de chiffons de papier sur lesquels la défunte avait griffonné des notes décousues, des ébauches de plans informes et d'inintelligibles hiéroglyphes. « Rien !» murmura-t-il en rejetant le dossier. « Rien qu'une série de rébus indéchiffrables. »« Il n'y a pas de rébus indéchiffrables, » rétorqua le cadet avec feu. « Et l'on doit tenir compte des moindres indications. Souviens-toi du scarabée d'or d'Edgar Poe. Ce fut au bout d'un parchemin, à l'écriture d'abord inintelligible, qui met le héros du conte sur la piste du trésor. « Clément, » déclara l'aîné, « tu as toujours eu une imagination trop vive et romanesque. Ça pourra te servir plus tard, puisque tu vas être artiste. Mais moi, garçon positif, je ne me laisse pas leurrer par les fables des romanciers. La réalité est fort prosaïque d'ordinaire, et je ne crois pas plus aux lubies des chercheurs de trésors qu'aux prédictions des somnambules. La vie est trop courte pour que nous la gaspillons à poursuivre des chimères. Ne nous fatiguons pas à chercher des nuées. Travaillons chacun de notre côté à nous créer une position, et ne comptons pas sur l'or de chèvre-chêne. Au fond, la tante Charmette était trop sensée pour nous engager à lâcher la proie pour l'ombre, et c'est sans doute par ce motif qu'elle n'a pas donné suite à ces hasardeuses confidences. Pourtant, objecta Clément, qui ne semblait pas convaincu. « Non !» interrompit dédaigneusement son frère, qui rejeta les paperasses dans le tiroir. « Mets tes rêves sous clé, de même que j'enferme ces papiers inutiles, et occupons-nous des choses sérieuses. » Ils en étaient là, de leur discussion, quand Monique, après avoir heurté discrètement, passait la tête par la porte entrebâillée. « Il y a en bas, annonça-t-elle, un visiteur pour vous. « Qui donc ?»« Eh mon Dieu » dit-elle en haussant les épaules, « c'est cette chauve-souris de Goupillard qui désire vous parler. « Il choisit mal son jour. Réponds-lui que nous ne recevons personne. C'est bien ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, mais il insistait en prétendant qu'il s'agit d'une affaire urgente qui vous intéresse tous deux. Pour lors, je me suis rappelé qu'il venait de fois à autre causer avec Mademoiselle Charmette, et qu'il voulait peut-être vous entretenir des dernières volontés de la pauvre défunte. « Est-ce que, demanda Clément, Goupillard était particulièrement lié avec notre tante ?»« Oui et non. Goupillard, qui est un malin, avait réussi à s'insinuer dans les bonnes grâces de Mademoiselle, en flattant ses opinions républicaines et en la flagornant. Elle le consultait volontiers, rapport à sa qualité d'ancien huissier. Je crois néanmoins qu'elle ne se fie à lui qu'à moitié. Le pèlerin n'est pas franc du collier, et il court de méchants bruits sur son compte. » Il y eut un moment de silence, puis Edme murmura d'un ton résigné. « C'est bien, dis-lui que nous allons descendre. » Ils trouvèrent le visiteur dans la salle à manger. En voyant les deux frères, celui-ci quitta précipitamment la chaise où il était assis et vint au-devant d'eux avec d'obséquieuses démonstrations. Saturnin Goupillard était un homme replet, au visage glabre, bouffi par une mauvaise graisse. Il avait l'oblique des marges d'un crabe, un regard louche sous des paupières clignotantes et une sorte de sourire blafard sur les lèvres. Forcé de vendre sa charge d'huissier pour des motifs équivoques, il exerçait le double métier d'agent d'affaires et de marchand de biens. Après avoir serré silencieusement et d'un air contrit les mains d'Edme et de Clément. « Comment vous portez-vous, mes jeunes amis » commença-t-il d'une voix doucereuse. « Vous avez été aujourd'hui indûment éprouvés. J'aimais et j'admirais la vénérable parente que vous venez de perdre, et je suis désolé de n'avoir pu assister à ses obsèques. Du moins, je tenais à vous apporter dès ce soir l'expression de mes regrets et de mes sympathiques condoléances. « Nous vous remercions, monsieur, » répondit Edme, froidement poli. L'accueil n'était pas encourageant, mais Goupillard ne se démonta pas et reprit. « Je voulais aussi me mettre entièrement à votre disposition pour la convocation du conseil de famille, qui doit être composé d'amis à défaut de parents. Vous êtes encore mineur, mais vous avez plus de 18 ans. Il s'agira uniquement, je suppose, de requérir votre émancipation et de vous nommer un curateur. Je m'empresse de vous informer que je serai heureux de vous témoigner mon amitié en acceptant ces fonctions si le conseil veut bien me désigner. » « Merci de nouveau, monsieur Goupillard. Nous nous en souviendrons en temps et lieu. Est-ce tout ce que vous aviez à me dire ? Monique nous avait parlé d'une communication urgente. » Goupillard regarda un moment en dessous et répliqua. « Monique ne vous a pas trompé. Je désirais vous entretenir confidentiellement d'une chose qui vous intéresse au plus haut point comme héritier de Mademoiselle Charmette Courouvre. » Il alla de son pas oblique fermer les fenêtres. « Vous permettez ? » balbutia-t-il. « Ce que j'ai à vous confier doit rester entre nous, et il est inutile que nos paroles soient entendues par des oreilles indiscrètes. » Il revint s'accoter à la table ronde, puis, avec le geste d'un homme qui se déboutonne et va parler à cœur ouvert, « Voici, continua-t-il, il s'agit de l'héritage de votre grand-père Courouvre et, subséquemment, de la succession de feu Mademoiselle Charmette. D'après des bruits qui courent au chanois, et que j'ai lieu de croire fondés, car j'ai pris soin d'en vérifier l'exactitude, l'ancien conventionnel, avant de quitter la France et de se réfugier en Belgique, aurait eu la précaution d'enfouir des valeurs considérables dans une cachette pratiquée non loin de sa maison de Chèvre-Chêne. Votre grand-père a emporté dans sa tombe le secret de ce dépôt, et Mademoiselle Charmette, qui seule était dans la confidence, n'a jamais, pour des raisons que je ne m'explique guère, pratiqué les fouilles préalables à l'exhumation du trésor. Je le sais pertinemment, car la respectable défunte m'avait initié à ses affaires d'argent, et j'acquis la conviction qu'elle ne possédait par devers elle qu'une modique rente de 3 000 francs. Il est donc clair pour moi que la cachette est restée intacte. Mais je suis en même temps persuadé que votre tante a conservé au fond de quelques tiroirs les indications et les points de repère indispensables pour découvrir le poteau rose. Maintenant, ceci exposé, mes chers camarades, je vais jouer carte sur table. Communiquez-moi, quand vous les aurez trouvés, les documents servant de fil conducteur. Je me charge des frais de la mise en œuvre, et après la découverte, nous partagerons le magot par moitié, ça vous va-t-il ? À mesure que le marchand de biens discutait, Edme, choqué et indigné, sentait la colère lui échauffer les oreilles. Il se contraignit toutefois, et regardant son interlocuteur droit dans les yeux. « Monsieur Saturnin Goupillard, dit-il avec une pointe d'ironie, je vais vous répondre nettement au nom de mon frère et au mien. J'admire le zèle avec lequel vous prenez nos intérêts, et les vôtres. Vous vous êtes donné inutilement beaucoup de peine. Nous connaissions déjà la légende du trésor de Chèvrechêne. Si notre tante Charmette Courouvre n'a pas jugé à propos d'exécuter les recherches dont il s'agit, nous estimons qu'elle avait, pour s'abstenir, des raisons majeures, et nous sommes d'avis d'imiter sa réserve. Laissez-moi, en terminant, remarquer que si les rumeurs relatives à l'or de Chèvrechêne avaient quelque fondement, le premier devoir d'un honnête homme, qui se prétend notre ami, serait non pas de spéculer sur ces découvertes au détriment des héritiers, mais de les aider loyalement à récupérer une fortune qui leur appartiendrait tout entière. » L'agent d'affaires, vexé, écoutait avec stupeur cette sarcastique réponse à laquelle il était loin de s'attendre. Il se mordait les lèvres et lança à Edme une œillade venimeuse. « Tout entière, » répéta-t-il sourdement, « tout entière, c'est à savoir. Vous oubliez que votre tante avait une sœur, Zélie Cornélie Courouvre, que cette sœur s'est mariée, que des enfants issus de ce mariage existent encore et qu'ils sont héritiers au même titre que vous. C'est possible, » repartit sèchement le jeune homme, « mais ne perdons pas notre temps en discussion oiseuse. Pour me servir de vos expressions, ça ne nous va pas, et cela suffit. Ainsi vous refusez. Nous refusons. Vous agissez comme des étourneaux. Parfaitement, comme des étourneaux qui ne veulent pas se faire plumer et n'entendent pas que des étrangers se mêlent de leurs affaires. Fort bien, grogna maître Goupillard en se levant, je m'adresserai aux héritiers de votre tante Cornélie. Peut-être se montreront-ils plus sensés et plus accommodants que vous. Allez, riposta froidement l'aîné. Il ouvrit toute grande la porte de la salle et montrant aux visiteurs le fond du couloir. Bon voyage, ajouta-t-il. Goupillard, de son pas traînant de crabe, se dirigea vers la sortie. Mais avant de disparaître, il se retourna et sa bouche, où grimaçait un sourire équivoque, jeta en guise d'adieu aux deux frères. « Vous vous en repentirez, serviteurs. »